Cette affaire, m'a dit d'emblée Monsieur X, c'est, toute proportion gardée, l'affaire Dreyfus des Américains. Et a-t-il ajouté, encore aujourd'hui, aux États-Unis, on continue à se déchirer entre partisans et adversaires de la culpabilité de Hiss. Hiss, Alger Hiss. Un brillant fonctionnaire américain, un WASP, un parfait représentant de la société patricienne de la côte Est des États-Unis, un libéral enfin. En 1948, il est accusé d'être un espion soviétique. L'accusation paraît d'abord invraisemblable et pour tout dire, parfaitement ridicule. Mais c'est la guerre froide. L'heure est à l'anticommunisme le plus radical et bientôt ce sera le McCarthyisme. Mais surtout, l'homme qui va mener la charge contre Alger Hiss est un jeune parlementaire aux dents longues, un sénateur tout juste élu, qui a compris que cette affaire était la chance de sa vie et lui donnait une occasion inespérée d'accéder au premier rang de la vie politique. Il s'appelait Richard Nixon et on sait ce qu'il est devenu. Nixon a d'ailleurs reconnu plus tard qu'il devait sans doute son destin national à l'affaire Alger Hiss. Voici par exemple ce qu'il écrit dans ses mémoires. L'affaire Hiss prouva sans l'ombre d'un doute l'existence d'une subversion communiste dirigée par les soviétiques dans les plus hautes sphères du gouvernement américain. Mais beaucoup de ceux qui avaient défendu Hiss refusèrent purement et simplement de croire aux preuves écrasantes de sa culpabilité. Certains retournèrent contre moi leur colère et leur dépit comme si j'étais en quelque sorte responsable de ce qu'ils avaient été abusés par Hiss. Il est certain que mon rôle dans cette affaire m'a lancé sur la voie de la vice-présidence, mais elle m'a aussi transformé d'un jeune parlementaire assez populaire, jouissant d'une presse limitée mais bonne, en une des personnalités les plus controversées de Washington, amèrement contestée par les journalistes libéraux et les manipulateurs d'opinion les plus respectés et les plus influents de l'époque. Malgré cette contestation, 4 ans seulement après le début de l'affaire Hiss, le jeune sénateur Nixon deviendra le vice-président Dwight Eisenhower. Il a donc profité incontestablement du retentissement de cet épisode de la guerre froide qui a été vécu en Amérique comme un feuilleton à suspense. Mais, je vous l'ai dit, plus de 50 ans après, on continue à s'interroger sur la culpabilité d'Alger Hiss. Et M. X, comme beaucoup d'autres, doute. J'avais peur de mourir. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Pour bien comprendre cette affaire, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. De la guerre froide. Bien sûr. C'est en 1946, je crois, que dans un célèbre discours, Winston Churchill a parlé pour la première fois du rideau de fer que Staline a édifié en Europe. Et depuis, le fossé n'a cessé de se creuser entre les anciens alliés. Nous en avons souvent parlé, d'ailleurs. Ouais, mais et puis aux États-Unis, c'est le début de ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières. Exactement, même s'il ne faut pas en exagérer l'importance ni la gravité. Que voulez-vous dire, là ? Entendez bien, je ne justifie pas cette chasse aux sorcières et les excès du macartisme, mais il faut quand même mettre les événements en perspective. En Europe de l'Est, Staline mène une chasse aux sorcières qui est autrement plus terrible. Là-bas, on exécute, on déporte, il ne faut pas l'oublier quand même. Même si à l'époque, on a faim de ne rien voir. Pensez qu'en Occident, la chasse américaine aux sorcières communistes a permis d'occulter les crimes de Staline ? Ça me paraît évident. Et pourtant, aucune comparaison n'était possible. Mais une seule faute commise dans une démocratie est forcément plus voyante qu'une série de crimes perpétrés dans une dictature. Telle est malheureusement la loi. Oui. Alors, venons-en à l'affaire Alger Hiss. D'abord, pourquoi évoquer aujourd'hui ce dossier ? Après tout, les services français n'y ont été en aucune façon impliqués. C'est vrai, mais dans les services, nous partageons les mêmes hantises que nos collègues américains. C'est-à-dire ? L'obsession, c'était les taupes. Ouais, les taupes communistes. Évidemment. Ouais, ouais. Nous savions même, s'il faut faire la part de la paranoïa de certains spécialistes de l'anticommunisme, que les soviétiques avaient mis à profit la lutte commune contre le nazisme pour infiltrer des agents dans les pays occidentaux. Ouais, des agents, des espions, vous voulez dire ? Pas seulement. Plus dangereux ou plus insidieux, il y avait aussi des hommes d'influence dont le seul but était de plaider en toutes circonstances en faveur de l'URSS et de ses satellites. Et par conséquent, nous avons suivi avec beaucoup d'attention ce qui se passait alors aux États-Unis. Or, dans ces toutes premières années de l'après-guerre, ce que nous apprenons a de quoi inquiéter. Quoi exactement ? Eh bien, à la suite d'un certain nombre de défections d'agents, il apparaît que les plus hautes sphères de l'administration américaine sont pénétrées par les communistes. Et c'est sérieux ? En tout cas, c'est préoccupant, vous en conviendrez. Ouais, non, mais vous n'avez pas vraiment répondu, là. Bon, un petit peu de patience, parce que la question de la vraisemblance de ces accusations est au cœur de l'affaire Hiss. Hiss. Alors, parlez-moi de cet homme, pour commencer, là. Alger Hiss, c'est un golden boy, comme on dirait aujourd'hui, un homme à qui la vie a toujours souri. Bonne famille, excellente éducation dans les meilleures écoles de la côte Est, et une prestance certaine. Vous savez, ce genre de type élégant qui donne toujours l'impression de sortir de son club de tennis, enfin bref, une sorte de prototype. Et sa carrière ? Il est d'abord avocat, dans l'un des plus grands cabinets, bien sûr. Mais assez rapidement, c'est dans la haute administration qu'il choisit de faire carrière. Quel poste ? Il est conseiller juridique au ministère de l'Agriculture, puis il occupe les mêmes fonctions dans une commission spéciale du Sénat chargée de l'industrie de l'armement. Ensuite, il va au ministère de la Justice et de fil en aiguille, il accède au plus haut poste, puisque c'est lui, Alger Hiss, qui sera secrétaire général de la conférence qui donnera naissance à l'ONU. Personnage très important, donc. Tout à fait. Et politiquement ? Ce sont les années Roosevelt, n'oubliez pas, les années du New Deal. Et Hiss, chouchou de l'administration Roosevelt, adhère complètement aux idées progressistes du président américain. Ouais, c'est donc un homme de gauche. Disons un libéral, comme on dit aux États-Unis. Ouais. Mais pour les républicains et les conservateurs en général, c'est quasiment un homme d'extrême gauche. On peut voir les choses comme ça. Enfin, ça veut dire que Alger Hiss est proche de Roosevelt. Oui, il l'a même accompagné en tant que conseiller à Yalta. Pour la célèbre conférence avec Staline et Churchill. Oui, une conférence où, dit-on, occidentaux et soviétiques ont décidé du partage du monde. Après la guerre, que devient Hiss ? Quand va éclater l'affaire, il est président de la Fondation Carnegie pour la paix internationale, une institution prestigieuse. Donc il reste un homme très influent. Oui, et qui, malgré la disparition du président Roosevelt et son remplaçant par un autre démocrate, Truman, reste un des piliers du camp libéral, où il compte de nombreux et prestigieux amis. Alors, l'affaire, comment éclate-t-elle ? Comment est rendue publique, vous voulez dire ? Je vois pas la différence. Il y en a une pourtant, parce que le principal accusateur de Hiss, un certain Whittaker Chambers, un ancien communiste, aurait averti dès 1939 un proche du président Roosevelt que Hiss était un espion communiste. Information aussitôt transmise à la Maison Blanche. Comment aurait réagi Roosevelt ? Il aurait traité cette information par le mépris. Ouais, c'est-à-dire qu'il l'aurait jugé invraisemblable. C'est cela, oui. Mmh. Bon, une enquête aurait pu quand même être ordonnée ? Peut-être, oui, vous avez raison, mais ça faisait des années que Roosevelt était la cible des conservateurs. Chacune de ses réformes était assimilée à une réforme d'inspiration communiste, et la commission des activités anti-américaines ne cessait de harceler ses collaborateurs, alors... Donc on a laissé tomber ? Oui, j'ajoute que d'autres noms auraient figuré sur la liste fournie par Chambers, des noms de personnages encore plus importants. En fait... Pourquoi utilisez-vous le conditionnel ? Parce que je ne suis pas tout à fait sûr qu'un rapport ait vraiment été transmis au président. Enfin, peu importe. Pendant la guerre, d'autres informations parviennent au FBI. Et la source, c'est toujours ce Chambers ? Oui, et le patron du FBI est alors le célèbre Edgar Hoover, un homme qui n'était pas spécialement favorable aux communistes. Et pourtant, semble-t-il, le FBI ne prend pas ses accusations au sérieux. Ce Chambers, là, qui est-ce ? Je vais y venir. Mais poursuivons d'abord un instant la chronologie. En 1945, donc, un homme du KGB en poste au Canada, Igor Guzenko, fait défection et passe aux États-Unis. Il donne un certain nombre d'informations sur les taupes soviétiques à Londres et à Washington. Puis, deux mois plus tard, une femme qui travaille pour les soviétiques est retournée par un agent du FBI. Retournée J'imagine que ce type a dû la séduire. Ah oui, classique. Sur les coucheries. Ouais. Et cette taupe qui s'appelle Elizabeth Bentley parle. Elle déclare avoir été au cœur d'un réseau qui comptait parmi ses membres de nombreux employés du gouvernement américain. Des employés très bien placés. Et elle donne les noms, hein. Oui, par dizaines. Il y a surtout parmi eux une douzaine de membres de la haute administration Truman. Et Alger Hiss ? Je ne pense pas qu'il figure dans la liste. Il n'est donc pas encore en première ligne. Non, mais il y a par exemple un de ses amis, un ancien secrétaire d'État adjoint, Harry Dexter White, qui va d'ailleurs rapidement mourir d'une crise cardiaque. C'est le scandale. Pas tout de suite. Parce que le FBI est d'abord chargé d'enquêter discrètement. Mais quand Elizabeth Bentley est appelée devant un grand jury, puis devant la commission des activités anti-américaines, alors là, oui, le scandale éclate. Et ces révélations font sensation, même si certains journalistes proches des démocrates tentent de ridiculiser celle qu'on appelle dans la presse la reine de l'espionnage rouge. Mais le pire est à venir. Le pire, c'est-à-dire ? Bah, les membres de la commission présidée par un sénateur républicain vont sentir un autre as de leur manche. Chambers. Chambers, oui. Et cet homme va confirmer les révélations de Bentley. Il va même les amplifier. Et l'affaire va prendre une indéniable couleur politique. Parce qu'à la fin de l'année, le président Truman doit affronter les électeurs. is contagious. I was looking back to see if you were looking back at me to see me looking back at you. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Sensation, a dit M. X, il n'exagère pas. Les révélations d'Elizabeth Bentley, puis celles de Chambers, vont faire effectivement sensation. L'écrivain et journaliste américain William Manchester l'explique à sa façon en usant d'une fable, je le cite. Pour comprendre toute l'énormité du phénomène qui commença pendant l'été 1948, une comparaison. Qu'on imagine une grande maisonnée où les enfants prétendent être poursuivis par un croque-mitaine. Dans la famille, on essaie de les rassurer en leur répétant à tout bout de champ que les croque-mitaines, cela n'existe pas. On fouille la maison de fond en comble, rien. Les enfants n'en persistent pas moins dans leur fable. Si, il y a un croque-mitaine qui les poursuit, mais on ne les écoute même plus. Or, un beau soir, alors que toute la famille est rassemblée dans le salon, un des enfants remarque que la porte d'un placard est restée entrouverte. Il se lève et d'un geste brusque l'ouvre toute grande et voici que du placard sort un croque-mitaine, un vrai, 3 mètres de haut et la bouche pleine de dents. Autre chose, un livre récemment publié aux éditions de L'Harmattan pour en finir avec le maccartisme écrit par Jean-Paul Torok revient longuement sur ces événements. Il insiste sur une thèse qui faisait alors florès aux États-Unis, selon laquelle la différence entre le communisme de Staline et le New Deal de Roosevelt était insignifiante, invisible et tenait à l'épaisseur d'un cheveu. Ah, vous pouvez peut-être maintenant me dire qui est ce Chambers qui va jouer un rôle si important dans cette affaire. Un drôle de bonhomme, pas très net pour tout dire. C'est-à-dire la tête et l'allure d'un mouchard, gras, négligé, mal fagoté. Eh bien, et que fait-il dans la vie? En 1948, il est journaliste à l'hebdomadaire Time, où il occupe un poste important puisqu'il est en charge de tout ce qui touche les activités communistes. Spécialiste en ça. Oui, et on l'a engagé parce qu'il connaissait bien la maison, si je puis dire. Ouais. On va parler de son passé, hein. Mais en tout cas, cette situation professionnelle prospère, hein, est un peu en contradiction avec son allure physique, non? Ah, ça, incontestablement. Enfin, je vous l'ai dit, le type est bizarre. Et il mettra mal à l'aise même les gens qu'il soutiendront et croiront dur comme fer à ses allégations. Autre caractéristique, Whittaker Chambers reconnaît sans difficulté qu'il s'est souvent conduit comme un coquin. Un coquin. Bah, c'est pas fait non plus pour donner du poids à ses accusations, hein, surtout face à un homme aussi distingué qu'Alger Hiss. C'est vrai, je me suis eu d'ailleurs très longtemps posé la question. Pourquoi Chambers en a-t-il rajouté dans cet aspect sordide et sournois de son personnage? Vous avez une réponse? Peut-être. Pour l'opinion, Chambers va incarner la véritable image du communisme. Ouais, mais un communiste qui a trahi quand même. Peu importe. C'est maintenant un repenti, un homme qui a abjuré et s'est même converti au catholicisme. Et l'opinion n'en sera que plus hostile à Alger Hiss, qui, lui, cache son jeu sous son apparence de grand bourgeois, qui n'a donc pas le courage d'assumer ses convictions. Oh, c'est tout de même très subtil. Peut-être, mais enfin, je crois que je ne suis pas loin de la vérité. Soit. Alors, d'où vient ce Chambers? Ce fils d'une famille très modeste, qui a une jeunesse plutôt aventureuse et douteuse, s'est inscrit très tôt au Parti communiste américain, au milieu des années 20. Il travaille d'abord dans la presse du parti, mais au début des années 30, on lui demande de passer dans la clandestinité. Et donc de rompre tout lien officiel avec le PC. Exactement. C'est ça. Et qui lui donne cet ordre, alors? Les plus hautes autorités du parti. à l'initiative naturellement des services secrets soviétiques. Oui, le NKVD. Oui. Il est même envoyé à Moscou pour suivre un stage de formation. Formation d'espion ? Oui, et quand il est de retour aux États-Unis, il monte un véritable réseau de renseignements, principalement implanté dans l'administration démocrate. Est-ce que vous, le spécialiste, ça vous paraît crédible ? Oui, et non. Soyez plus précis, quand même. Écoutez, je ne mets pas en doute la volonté des soviétiques d'infiltrer l'administration américaine. Mais aurait-il confié cette tâche à un homme comme Chambers qui n'avait aucun contact dans les hautes sphères ? Ça me paraît plutôt douteux. Alors, la vérité ? Chambers, certainement, a travaillé pour le NKVD, mais il a exagéré son rôle. Je pense plutôt qu'il a joué le rôle d'agent de liaison entre les soviétiques et les hommes qui ont réellement fourni des renseignements à Moscou. Souvent par conviction, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que ça change ? Agent de liaison ou chef de réseau, il était en mesure d'avoir de vraies informations sur cette eau. Oui, sans doute. Mais il pouvait aussi être intoxiqué, en lui faisant croire, par exemple, que l'administration Roosevelt était un nid d'espions soviétiques. Et dans quel but ? L'espionnage, c'est comme le billard. Hein. Les meilleurs coups se jouent sur plusieurs bandes. Et tout ce qui pouvait, à terme, affaiblir le gouvernement américain était bon à prendre. Oui, mais politiquement... Les démocrates étaient tout de même plus proches des communistes que leurs adversaires républicains. Et alors ? N'avez-vous jamais remarqué que les dirigeants soviétiques ont toujours préféré avoir en face d'eux des interlocuteurs conservateurs plutôt que des progressistes, ou même des socialistes ? En France, par exemple, c'est bien connu, Moscou a toujours voté à droite. Ouais, enfin, on s'éloigne peut-être un peu, non ? Oui, vous avez raison. Alors revenons à Chambers. En 1937 ou 1938, il rompt avec le PC. Donc avec les services soviétiques ? Oui, après s'être caché quelque temps, il trouve cet emploi de journaliste au magazine Time. Ouais. Et peu après, au même moment, il va voir, je vous l'ai déjà dit, un proche de Roosevelt à qui il remet toute une liste de fonctionnaires qu'il accuse d'être des agents communistes. Une remarque. S'il a dit vrai, hein, il est bien placé pour savoir que l'administration Roosevelt est infiltrée. Alors, bon... Pourquoi aller trouver justement un proche du président ? C'est une contradiction de plus, mais passons plusieurs années. En 1948, donc, Elizabeth Bentley vient témoigner devant la commission des activités anti-américaines. Et tout de suite après, c'est au tour de Whittaker Chambers. Ouais, lui, il est chargé d'enfoncer le clou. C'est à peu près ça, oui. Mais comment a-t-on eu idée de le faire témoigner ? Très bonne question. Ouais, merci. Non, je ne plaisante pas, c'est effectivement très intéressant. C'est un jeune enquêteur de la commission qui a sorti Chambers de son chapeau. Un jeune homme qui était un proche de Richard Nixon, membre de cette même commission. Oui, mais d'accord, mais ce jeune enquêteur lui-même... Il travaillait en étroite collaboration avec le FBI. Oui, donc par conséquent avec Nixon lui-même. Bien évidemment. Ouais. Pourtant, vous avez dit qu'au début, le FBI n'avait guère prêté attention aux dénonciations de Chambers. C'est vrai, mais enfin, ça veut donc dire que Edgar Hoover, l'inamovible patron du FBI, a changé son fusil d'épaule. Et après avoir soutenu pendant de si longues années les démocrates, il a décidé de faire ami-ami avec les républicains. Ouais, parce qu'ils ont une bonne chance de l'emporter aux élections présidentielles. Tout à fait, c'est juste. Mais tous les sondages indiquent que le candidat républicain Thomas Dewey va l'emporter. Donc avec opportunisme, Hoover choisit le camp républicain. Et il va donner un sérieux coup de main à un jeune sénateur promis à un grand avenir. Richard Nixon. Et à votre avis, c'est donc ainsi que Chambers surgit sur la place publique ? Bien sûr, puisqu'au FBI, on possède déjà un dossier sur lui. Oui. Comment ça se passe exactement ? Whittaker Chambers est donc appelé à témoigner devant la commission, et aussitôt il affirme que plusieurs personnalités démocrates, dont Alger Hiss, ont constitué une cellule communiste clandestine au sein de l'administration. Il les accuse donc d'être communistes, mais pas des espions, oui, quand même. Oui. La différence est taille quand même, hein, même si l'époque est violemment anticommuniste. Tout à fait. Et il se réagit ? Oui, il proteste violemment et affirme qu'il n'a jamais été communiste. Devant la commission ? Naturellement. Et il affirme ne jamais avoir rencontré Whittaker Chambers, même quand on lui présente des portraits de ce dernier. Je dois tout de suite ajouter que cette déposition fait une excellente impression. Entre le mouchard Chambers et le très polissé Alger Hiss, il n'y a pas photo, comme on dirait aujourd'hui. Mais les accusateurs ne sont pas décidés à en rester là. Et ils vont bientôt marquer des points en acculant peu à peu Alger Hiss. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Alger Hiss, Monsieur X l'a dit, ni connaître Whittaker Chambers. Même quand on lui montre une photo récente de Chambers, c'est un point essentiel. Un point qui va peser très lourd dans l'affaire Hiss. Voici ce qu'écrit Marie-France Toinet dans un livre paru aux éditions Complexes, La chasse aux sorcières. C'est d'abord Hiss qui parle. Si c'est une photo de M. Chambers, n'est pas d'apparence exceptionnelle. Il ressemble à beaucoup de gens. Je ne voudrais pas prêter serment que je n'ai jamais vu cet homme. Je voudrais le voir et je pense que je pourrais mieux dire si je l'ai déjà vu. Alger Hiss, affirme l'auteur, vient ainsi de tresser la corde pour se pendre. Il n'a pas été assez clair, puisqu'il semble avoir nié toute relation avec Chambers, ce qui fera les titres des journaux, alors pourtant qu'il n'est pas complètement sûr de ne pas le reconnaître. Tout paraît cependant aller fort bien pour lui. Il a fait la meilleure des impressions lors de son audition, et le président de la commission, Karl Mundt, l'a même félicité d'avoir ainsi coopéré. Une bonne partie de la presse semble de son côté, et des éditoriaux attaquent vivement les méthodes de la commission. Celle-ci, dans sa majorité, est quelque peu refroidie par les derniers événements dont elle craint qu'ils ne la fassent apparaître sous un mauvais jour. Le représentant Ebert propose même que l'affaire soit remise au département de la justice. Seul, Richard Nixon trouve que Hiss n'a pas été assez net dans ses dénégations et souhaite poursuivre les interrogatoires. Il obtient finalement l'assentiment de la commission, celle-ci, comme Nixon, sachant que son sort dépend de la crédibilité de Chambers. À ce stade de l'affaire, le point crucial est donc celui-ci. Hiss a-t-il, oui ou non, connu Chambers? Chambers, qui au cours d'une nouvelle audition donne des détails relativement précis sur Alger Hiss, sa maison, sa femme, ses habitudes de vie. Très embarrassant, hein? Oui. Ouais. Mais pourquoi se focalise-t-on sur Alger Hiss? Parce qu'il n'est pas le seul que Chambers accuse. C'est juste. Mais il est le seul que Chambers affirme avoir personnellement connu. Par conséquent, si l'accusation parvient à démontrer qu'il dit la vérité, au moins sur ce point précis, c'est l'ensemble de ces allégations qui devra être pris au sérieux. C'est toute la construction de l'existence d'une véritable conspiration communiste qui sera confortée. Vous comprenez? Je comprends, mais ça veut dire qu'au fond, le cas personnel de Hiss compte peu. Même s'il demeure quand même une sorte de symbole. Le symbole de cette classe sociale favorisée et arrogante de la côte Est qui dirige le pays depuis tellement longtemps. Il y a aussi cela sous l'affaire Hiss, il ne faut pas l'oublier. Et Nixon, républicain originaire de la côte Ouest, fils d'un modeste conducteur de tramway, est un parfait représentant d'une Amérique oubliée et laborieuse qui veut prendre sa revanche au nom des vraies valeurs. Les vraies valeurs, oui. Une occasion formidable pour Nixon. Incontestablement. Il a tout de suite compris le parti qu'il pourrait tirer de l'affaire. Cette histoire, c'est une véritable rampe de lancement électoral. Est-ce que du côté d'Alger Hiss ou de ses défenseurs, on a compris tout ça? Je ne le pense pas. Ils vont être dépassés. Et déjà, Hiss amorce une reculade. Au cours d'une nouvelle audition, il affirme qu'il a peut-être connu Chambers, mais sous un autre nom. Ce qui expliquerait qu'il n'est pas immédiatement identifié. Oui. Mais quand on lui a présenté des photos quand même... Eh bien, il n'a pas fait le rapport. Alors, sous l'impulsion de Nixon, qui apparaît de plus en plus comme l'homme fort de la commission, il est décidé de procéder à une confrontation entre Chambers et Hiss. Devant la commission? Non. Donc, pour échapper à la meute des journalistes, cette confrontation a lieu dans une discrète chambre d'hôtel. Ça donne quoi, ça? Hiss reconnaît enfin Chambers. Il le reconnaît? Ouais, un type qu'il a rencontré en 1935 et à qui il a même prêté un appartement dont le loyer ne lui a jamais été payé. Logiquement, ça aurait dû lui laisser des souvenirs. Bien sûr, et ça fait très mauvaise impression parce qu'il apparaît que Alger Hiss a au moins menti une fois. Ouais, alors pourquoi ne mentirait-il pas aussi lorsqu'il nie avoir été communiste? Exactement, et là encore, Hiss va commettre une seconde erreur. Il attaque Chambers pour diffamation. Et pourquoi, selon vous, est-ce une erreur, ça? Parce qu'il pousse son adversaire dans les cordes. Chambers, pour se défendre, doit apporter une preuve, sinon il risque d'être condamné pour faux témoignage et donc parjure. Et soudain, l'affaire va prendre une dimension supplémentaire. Racontez. Whitaker Chambers et ceux qui sont derrière lui passent à la vitesse supérieure. Non seulement, affirme-t-il, Alger Hiss était communiste, mais c'était aussi un espion. Un espion, mais là encore, il faut le prouver. Et c'est ce que va faire Chambers. Comment? De la façon la plus extraordinaire qui soit. Whitaker Chambers affirme qu'il a gardé par devers lui des documents qui prouvent indubitablement que Hiss s'est livré à des activités d'espionnage. Et d'accord, mais pourquoi n'en a-t-il pas parlé plus tôt? C'est effectivement une question troublante. Pourquoi avoir tant attendu? Parce que l'accusation, même si les faits reprochés à Hiss sont prescrits, et prend maintenant une autre importance. Et puis, cette histoire de documents que Chambers aurait si longtemps conservé et dissimulé sonne bizarrement. Vous voulez dire que ces documents auraient pu être fabriqués après coup? Pourquoi pas? Et puis, voyez-vous, je ne suis pas très éloigné de croire que c'est la vérité. Mais, attendez, avant d'examiner cette possibilité, ces documents, qu'est-ce que c'est exactement ? Il y a des notes écrites de la main d'Algéris, des documents dactylographiés qui viendraient du département d'État et des microfilms. Mais le plus étonnant, ce sont les endroits où se trouvaient cachés ces documents secrets. Alors où ? Eh bien, le premier lot était dissimulé chez un neveu de Chambers, dans un monde plat. Et le deuxième lot se trouvait à l'intérieur d'une citrouille évidée dans le jardin de Chambers. C'est comme une étrange cachette. Oui, ces papiers vont passer la postérité sous l'appellation « les documents de la citrouille ». C'est amusant, ça. Et la presse, surtout la presse opposée à Chambers, ne va pas manquer de se moquer. Non, ben ça se comprend, en effet, mais enfin, au-delà de la curieuse anecdote, que contiennent réellement ces documents ? Ben, d'après ce qu'on peut savoir, pas grand-chose. Une guerre précise, hein ? Bah, c'est que je suis incapable de l'être. Ces documents étaient censés être secrets, n'ont pu être produits publiquement, et on en a seulement extrait quelques bribes. Donc on ne sait pas vraiment s'il s'agissait de secret d'État ? C'est exact. L'important pour l'accusation, pour Chambers, pour Nixon, c'était leur existence, hein, point c'est tout. Oui, mais tout à l'heure, vous avez laissé entendre qu'ils auraient pu être fabriqués de toutes pièces. Oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai un doute. Un des microfilms sortis du lot a été examiné par un expert de Kodak, et ce spécialiste a affirmé que le film utilisé avait été fabriqué après-guerre. Ah, c'était donc la preuve formelle de la supercherie. Ben, cet homme est revenu très vite sur sa première expertise. Bizarre, non ? Et vous pensez qu'on aurait pu faire pression sur lui, c'est ça ? Ça ne me paraît pas impossible. Derrière toute cette affaire, je vous l'ai dit, il y avait le FBI. Un service qui avait tout à fait les moyens de fabriquer des faux documents. À l'évidence. Mais vous n'avez aucune preuve. Je dois le reconnaître, mais j'observe que le FBI a mis le paquet et a mobilisé des centaines d'agents dans cette affaire. C'est dire qu'Edgar Hoover était vraiment attaché à perdre Algéris. Et face à ces graves accusations, justement, comment réagit Algéris ? Bah, il ne cesse de clamer son innocence. Et il le fera jusqu'au bout, en multipliant les demandes de révision de son procès, toujours en vain. Ça veut dire qu'il a été condamné, alors ? Oui, mais pas pour espionnage, car je vous l'ai dit, il y a prescription pour ces faits qui datent de l'avant-guerre. Alors, il est condamné pour quoi ? Pour parjure. Car l'accusation affirme qu'il a menti et qu'il est donc coupable de faux témoignage. En fait, il y a deux procès. La première fois, le jury ne parvient pas à se mettre d'accord et il s'est relaxé. Mais à l'issue d'un deuxième procès, il sera condamné à 5 ans de prison. Pour parjure, c'est une condamnation très très lourde. Ah, aux États-Unis, on l'a encore vu avec l'affaire Monica Lewinsky, on ne plaisante pas avec une accusation de faux témoignage devant un juge. Et votre conclusion, alors, vous ? Ben, moi, je suis persuadé que Algéris, dans cette affaire, n'a été qu'un bouc émissaire. Innocent, donc ? C'est pas si simple. Pas tout à fait une réponse, ça. Bon, alors, je m'explique. Iss a certainement flirté avec le Parti communiste. Peut-être même a-t-il été membre du parti. Mais dans le climat de chasse aux sorcières qui a sévi dans l'Amérique de l'après-guerre, il a paniqué dès qu'il a été accusé. Et il a nié de toutes ses forces. C'était stupide. Car les autres accusés, en même temps que lui, ont invoqué le 5e amendement. Ils n'ont pas été poursuivis. Mais le 5e amendement... Oui, une particularité de la justice américaine. Un amendement qui permet à un citoyen américain de refuser de répondre à une question qui pourrait l'incriminer. Mais Iss, lui, s'est entêté et, de façon assez absurde, il a attaqué à son tour. Ce faisant, il a permis à ses accusateurs de monter une véritable machine de guerre contre lui. Une machine, m'avez-vous dit, qu'il dépassait ? Bien sûr. Le cas Iss en lui-même comptait peu. Mais il s'agissait de saper le Parti démocrate en montrant qu'il avait été complètement infiltré par les Rouges, comme on disait alors, aux États-Unis. Et ça a marché. Ça a aussi permis au jeune sénateur Richard Nixon de devenir, en 1952, 3 ans seulement après l'affaire, vice-président. Et ce n'est pas rien. Alger Iss, coupable ou non coupable ? Je vous l'ai dit dès le début de cette émission, on en discute encore aujourd'hui aux États-Unis. En 1996, nous en avons déjà parlé ici même avec M. X. Un certain nombre de télégrammes cryptés échangés entre Moscou et ses agents en Occident ont été publiés. Ce sont les documents Venona. Dans l'un d'eux, daté du 30 mars 1945, il est fait allusion à un agent dont le nom de code est Alès et qui travaillerait avec les services secrets soviétiques depuis 1935. Certains spécialistes ont immédiatement fait un rapport avec Alger Iss. Alès serait probablement Iss. Probablement, c'est tout. Par contre, en 1993, un historien russe, le général Volko Gonov, a affirmé, après avoir fouillé dans les archives du KGB datant de l'époque de la guerre froide, qu'il n'a trouvé nulle trace d'Alger Iss. On en saura peut-être plus bientôt. En effet, les archives du procès d'Alger Iss devant le grand jury viennent d'être ouvertes malgré les objections du gouvernement américain. Des historiens se sont plongés dans l'étude des milliers de pages de transcription. Leur travail n'est pas terminé. Mais certains d'entre eux ont d'ores et déjà été frappés par l'attitude de Nixon au cours du procès. Ils le décrivent comme un habile manipulateur et ils citent en particulier ce moment assez extraordinaire. D'un geste théâtral, Nixon provoque les jurés en brandissant le microfilm contenant les enregistrements secrets du département d'État connu sous le nom de document de la citrouille et il avertit la cour qu'elle devra le contraindre par la force pour qu'il cède le coffret de l'enregistrement. Et Nixon dit au grand jury, je ne me dessaisirai pas des films. Alors, comme le pense Monsieur X, a-t-on seulement affirmé que les documents existaient, mais sans les montrer à la cour? Enfin, dernière preuve que l'affaire Hiss préoccupe toujours les Américains. Le président Reagan a attribué en 1984, à titre posthume, à Whitaker Chambers, la médaille de la liberté. Et 4 ans plus tard, la ferme de Chambers, là où se trouvait la fameuse citrouille évidée, a été classée comme un lieu historique national. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur internet www.franceinter.com et vous pouvez aussi nous écrire si vous avez des informations à nous communiquer ou à nous demander. À samedi prochain. Patrick Pénaud, je vous rappelle que vous pouvez vous procurer le journal secret de Monsieur X qui vient de paraître. C'est un livre coédité par France Inter, un livre que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies.